Hey Théma. Ouais. Ah, c'est nous le pen noir. Ouais. Ah, non, ton yo, mais c'est ça. Na, il croit que bédé, ah. De spi, qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, t'en as marre de te faire baiser par des gens soi-disant qui sont aisés. Je les ai analysés pendant des années. Ils aiment pas les noirs ni les basanés. Je suis vanné. Fatigué de tous ces propos si stras. C'est un manque de respect pour nos frères, nos sisters. Qu'est-ce que pourquoi tu me regardes comme ça? Je nique le FN sur bande des femmes, mais j'aime ça. Ces hommes ont pas de valeur, trop de bassesse. Et franchement, il est temps que ça cesse. Mais ce qui se passe, c'est la merde. La haine et le FN, ça fait une paire d'as. Français, français, recevez ce rap dans vos enceintes. C'est toujours les mêmes promesses. Et c'est dans leur nom que je porte plainte. Français, française, recevez ce rap dans vos enceintes. C'est toujours les mêmes bombes. Et c'est dans leur nom que je porte plainte. J'ai lu dans vos livres, et putain ça me laisse quoi. Que les hommes naissent libres et égaux en droit. On me dira à quel endroit que j'y cours, que j'y vole. Allons tous à Vitrolles. Y'a des flammes tricolores dans le métro. Arabes immigrés, dehors négro. C'est trop d'hypocrisie et trop d'insultes. Y'aura pas d'anesthésie pour ces fils de. On doit se rabaisser, habite dans des blocs ABC DEF, j'espère que ça va cesser. Au sondage, monte les pourcents. Y'a trop de gens qui se prennent encore pour des purs sang. Français, français, recevez ce rap dans vos enceintes. C'est toujours les mêmes bombes. C'est dans leur nom que je porte plainte. Français, française, recevez ce rap dans vos enceintes. C'est toujours les mêmes bombes. Et c'est dans leur nom que je porte plainte. Simple d'esprit, n'as-tu pas de raison? Change un peu, prends exemple sur les saisons. Une maison, un toit, réclame de la décence. Pourtant les manifs terminent toujours à l'essence. Et la haine prend naissance dans ton ignorance. On t'a pas tout dit sur la France. La dette coloniale pèse sur les consciences. Au nom des sciences, on oublie, on donne bonne conscience. On a brisé les gènes, brisé les fers. Pourquoi ici encore c'est l'enfer? Y'a une drôle d'atmosphère sur cette sphère. J'aime se satisfaire d'avoir des boucs et misères. Français, français, recevez ce rap dans vos enceintes. C'est toujours les mêmes bombes. Et c'est dans leur nom que je porte plainte. Français, française, recevez ce rap dans vos enceintes. C'est toujours les mêmes bombes. Et c'est dans leur nom que je porte plainte.